إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on continue maintenant la troisième partie de la lecture de cette muhadara du Cheikh Saleh al-Sheikh. Et, Inch'Allah, donc, c'est toujours encore la continuation de ce thème qui est Al-I'tisam bil kitabi wa sunna, le fait de s'accrocher et de se cramponner au Coran et à la sunna. Le Cheikh dit, فَلِهَذَا نَقُولُ كُلُّ مَسْأَلَةٍ يَجِبُ أَنْ يُسْتَدَلُّ عَلَيْهَا أولا بنصوص الاجتماع ونصوص الاعتصام بالكتاب والسنة لأنه ما من مسألة إلا وإرجاعها إلى دليل من الكتاب والسنة فالله سبحانه وتعالى بين أن خصلة المنافقين لأنه ما من مسألة إلا وإرجاعها إلى دليل من الكتاب والسنة فالله جل وعلا بين أن خصلة المنافقين أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وقال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يعني في الأمور الاجتهادية وفي الأمور العلمية وفي أمور الاعتقادات لا بد من تحكيم الكتاب والسنة. Donc le cheikh il dit donc, on dit à cause de tout ce qu'on a expliqué précédemment par rapport au fait de s'unir et de ne pas se diviser, et l'interdiction de la division dans l'islam, hein, et qu'est-ce qui est étonnant à notre époque par rapport à ce sujet-là, justement, juste une petite note en passant à propos de ça, c'est que en même temps qu'on voit que le Coran et la Sunna sont remplis de versets et de hadiths qui incitent et qui ordonnent aux croyants de rester unis et qui interdit aux musulmans de se diviser dans la religion et dans la réalité, il y a des faits dans, physiquement, que ce soit politiquement ou autre, de se diviser dans ces choses-là. Il y a des individus dans la communauté maintenant qui prétendent appeler à l'islam et prétendent faire la da'wah qui appellent au soi-disant pluralisme religieux et au multipartisme, et de dire que l'islam, ça accepte la pluralité des idées, la pluralité des croyances, la pluralité religieuse. Et pluralité, ça veut dire quoi? Plusieurs. Hein? Alors que l'islam, c'est la religion du tawhid, c'est la religion de l'unicité, pas la religion du pluralisme. Donc, d'où est-ce qu'ils sont venus avec ces idées de pluralité, essayer d'interpréter l'islam avec cette idéologie-là ou cette mentalité-là? Allahumma musta'an. Et donc le cheikh il dit fanaqul, donc on dit que chaque question, il faut en premier ramener les preuves à son sujet dans les textes du Coran et de la Sunna, et dans les textes qui incitent à se réunir sur la vérité, et dans les textes qui nous incitent à se cramponner au Coran et se cramponner à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il dit il n'y a pas un sujet ou une question excepté que c'est nécessaire pour nous de la ramener à une preuve du Coran et de la Sunna. Et la preuve de ça, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné parmi les caractéristiques des hypocrites, des munafiqoun, que lorsqu'ils sont invités, lorsqu'on les appelle au jugement d'Allah et de son messager, يعني pour que il y ait un verdict ou un jugement qui soit établi entre eux, tu vois un groupe d'entre eux qui s'écarte et qui s'éloigne. Ils veulent pas savoir le verdict d'Allah et de son messager. Et dans la suite de ces versets-là, le cheikh il l'a pas mentionné, mais c'est dans Sourate An-Nur, c'est le verset 48, mais à la suite de ça, 49 et jusqu'à 55, ça parle de ces gens-là qui se détournent du verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le pire, c'est que quand le verdict est en leur faveur, dans la charia, dans le Coran et dans la sunna, là ils se précipitent vers le Coran et la sunna, parce qu'ils savent que le Coran et la sunna va juger en leur faveur. Ils disent, ah bon, le Coran et la sunna c'est en notre faveur, oui. Mais quand le Coran et la sunna est contre eux, et contre leur intérêt, tu les vois, ils se détournent. Alors que non. En fait, si tu es un mu'min, tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, tu crois en son messager sallallahu alayhi wa sallam, eh bien tu dois aller vers le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit pour toi ou contre toi. Dans les deux cas, tu dois te soumettre et accepter le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les circonstances. C'est pas seulement quand c'est en ta faveur, tu dis ouais, on veut la charia. Puis quand c'est contre toi, ah ben non, là j'en veux pas, hein? A'ouzou billah. Donc ça c'est pas correct. Ça c'est l'attitude des munafiqoun. Et le cheikh il dit dans sourate An-Nisa, il mentionne le verset de sourate An-Nisa, le verset 65. Non, par ton Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par lui-même. Il dit non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne t'auront pas pris, toi, ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, comme un juge entre eux dans toutes les disputes qui sont apparues entre eux. Et qu'ils ne trouvent en eux-mêmes aucune gêne de ce que tu auras décrété comme jugement et qu'ils s'y soumettent en pleine soumission. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'accepter le verdict d'Allah et d'accepter le verdict du messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une condition dans la foi. Parce qu'ils ne seront pas croyants tant qu'ils n'ont pas accepté ton verdict. Yani, donc ça veut dire qu'on doit accepter le verdict d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans toutes les questions, que ce soit des questions d'ijtihad ou les questions de science reliées à la connaissance, hein, la aqida et autres, ou bien dans les questions de croyance ou autres, dans tous les aspects de la religion. C'est pas seulement comme certains parmi les gens aujourd'hui, par exemple, certains hizbiyin ou certains parmi les gens qui font le takfir, ou les gens qui appellent, qui disent on veut l'application de la charia, et qui appellent à des partis islamiques qui défendent soi-disant l'application de la charia dans le monde, sauf qu'ils veulent seulement l'application de la charia quand c'est des questions politiques ou des questions de loi, dans le gouvernement par exemple, l'application des peines, l'application de la peine pour l'adultère ou le voleur ou des règles de ce genre. Mais quand c'est des questions d'aqida, de juger entre les différents groupes de bid'ah, pour savoir qu'est-ce qui est établi par la sunna et quelle est la position d'Ahlus Sunna wal Jama'a au sujet des différentes divergences sur les questions de aqida et de manhaj, ça ils veulent pas retourner au Coran et à la sunna dans ces questions-là. Ils veulent laisser chaque secte et chaque groupe dans les tendances qu'ils suivent et dans les groupes qu'ils suivent et dans les bid'ahs qu'ils font. Hein, tout le monde est correct, tout le monde est libre, on accepte tout le monde, le pluralisme. Mais quand c'est des questions de juger par la charia dans des questions de gouvernement ou de gouvernance ou des peines ou des choses comme ça, là ils disent oui, on veut la charia. C'est-à-dire dans les choses les plus importantes, hein, ils mettent la charia de côté, puis ils suivent leur passion et ils ordonnent aux gens de suivre leur passion. Mais dans les questions de peine et de jugement, là ils demandent la charia seulement dans cette partie-là. Donc ça veut dire ils prennent juste qu'est-ce qui va dans leur sens ou bien dans un aspect de la religion, puis ils laissent le reste. Et ça, c'est incorrect. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ. Est-ce que vous croyez en une partie du livre et vous rejetez la foi en l'autre? Hein? Donc ça, c'est, bien entendu, c'est pas correct. وَإِذَا تَبَيَّنَ لَكَ ذَلِكَ ظَهَرَ لَكَ الْعَلَامَ أو العلاقة عفوا العلاقة ما بين الاجتماع والافتراق والاعتصام بالكتاب والسنة. Donc maintenant, si tu as compris ça, tu vois maintenant que c'est clair, ça devient clair pour toi qu'il y a un lien entre l'unité et la division et le fait de se cramponner au livre d'Allah et à la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour résumer tout ce qu'on a dit depuis le début, c'est que plus tu t'accroches au Coran et à la sunna, moins tu es divisé, moins on sera divisé. Mais plus on s'écarte du Coran et de la Sunna, plus on va être divisé. Et c'est ça qu'on constate. Partout où les gens s'écartent du Coran et de la Sunna, on remarque parmi eux plus de division. Et chez qui on retrouve le plus d'unité? Chez les gens qui s'accrochent le plus au Coran et à la Sunna. Et vous allez voir que cette unité-là et ces liens-là sont relatifs également au niveau de connaissance et au niveau de pratique aussi, au niveau de foi. C'est relié aussi ces choses-là. Hein? Et plus vous allez voir de l'ignorance, plus vous allez voir de division. Et plus vous allez voir de science, plus vous allez voir d'unité. Hein? Donc tout ça c'est relié. Et ensuite le cheikh il dit ننتقل إلى مسألة أخرى متعلقة بهذا العصر الذي نعيش فيه وهي حصول افتراق جديد لم يعهد مثله في الأزمنة الماضية ألا وهو ترك تحكيم شريعة الله جل وعلا في الحكم والتحاكم والفصل بين المتخاصمين وتطبيقها في جميع مناحي الحياة لا شك أن هذا نوع من التفرق عن دين الله ومما يدخل في قوله جل وعلا فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كما ترى من الافتراق بين هذه الأمم والدول إلى آخره وعدم الاجتماع والائتلاف سببه أنهم فرقوا دينهم ولم يقبلوا شريعة الله جل وعلا كاملة فعاقبهم الله جل وعلا بالتفرق والاختلاف حتى لا يكاد الناس يجتمعون على قول ولو تجتمع مع عشرة من بلاد مختلفة وجدت أن لكل واحد منهم رأيا مختلفا وهذا لأجل الأهواء وعدم الرجوع إلى الكتاب والسنة. Donc le cheikh il explique également que il y a une question qu'on peut qui est reliée avec quelque chose qui se passe à notre époque actuellement et qu'on est en train tous de vivre et au sujet de laquelle il y a eu de la division aussi. Et c'est une chose qui est nouvelle dans l'histoire de par rapport à l'histoire de l'islam que dans les époques précédentes on n'a pas connu. C'est-à-dire d'abandonner l'application de la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala entre les personnes qui jugent entre eux dans des questions de dispute entre eux, dans les tribunaux. Yani. Plus dans certains pays musulmans, il n'y a pas des tribunaux basés sur la charia. Et de mettre de côté, disons, l'application de la charia dans les aspects de la vie. Donc le cheikh il dit qu'il n'y a pas de doute que ça, c'est une sorte de division par rapport à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça rentre dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit dans le verset 14 dans Sourate Al-Ma'ida à propos des chrétiens, et ils ont oublié une partie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur avait rappelé, et à cause de ça Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a fait il a suscité entre eux l'animité et la haine jusqu'au jour de la résurrection, parce qu'ils ont abandonné une partie de ce que Allah leur avait révélé ou mentionné. Et donc ce qu'on voit maintenant entre les différentes nations et les différents pays, hein, eh bien tout ça, ça vient du fait que les gens ne s'unissent pas et ne se réunissent pas ou ne se rassemblent pas. Et la cause du fait qu'ils n'arrivent pas à s'unir, c'est parce qu'ils ont divisé leur religion. Ils n'ont pas accepté la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala en entier, et Allah les a punis par cette division-là. Et par cette divergence-là entre eux. Et c'est arrivé à un tel point que, yani, tu vas voir que lorsque des pays se réunissent pour discuter de différentes questions, yani, ils n'arrivent jamais à se mettre d'accord sur une seule opinion ou sur une seule position. Tu vas voir que, yani, s'il y a une dizaine de pays qui sont réunis, qui sont tous des pays différents, eh bien, chaque pays, ils ont leur opinion à eux, puis ils refusent de s'unir sur la vérité ou sur une position, yani, comme c'est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et dans la Sunna. Et donc tout ça c'est bien entendu à cause du fait que les gens suivent leur passion et ils refusent de revenir au Coran et à la Sunna. Donc ça c'est une grande question. Le cheikh il dit هذه المسألة العظيمة نوع من التفرق الحادث الجديد. ولا شك أن الواجب على العباد أن يعتصموا بالقرآن والسنة وأن يحكموا شرع الله جل وعلا في الأمور الكبيرة وفي الأمور الصغيرة، لأن الله سبحانه أمر عباده بذلك، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وقال جل وعلا لنبيه أيضا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال أيضا جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والآيات في هذه في هذا كثيرة. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Donc le cheikh il dit ensuite que ça c'est une grande question et c'est une forme parmi les d'entre les formes de division à l'époque actuelle. Et il n'y a pas de doute que qu'est-ce qui est obligatoire pour les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de s'accrocher au Coran et à la Sunna et de juger selon la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les questions qui sont importantes comme dans les questions qui sont grandes ou dans celles qui sont petites, et de pas faire de distinction entre celles qui sont grandes et celles qui sont petites, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son serviteur, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de juger selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Et il dit par exemple dans Surat Al-Ma'ida, le verset 48, alors juge entre eux selon ce que Allah a fait descendre, selon ce qu'il a révélé, et ne suis pas leur passion. Et il mentionne également le verset 44 dans Surat Al-Ma'idah, celui qui ne juge pas selon ce qu'Allah a fait descendre, c'est-à-dire selon ce qu'Allah a révélé, alors ceux-là sont les mécréants. Et par rapport à ce verset-là et à tous ces versets qu'on mentionne maintenant, il est important de bien entendu distinguer entre la question de du fait de juger par autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, que yani, bien entendu les ulama ont distingué entre les catégories de kufr par rapport à cette question-là. Il y a une catégorie de kufr qui va être une forme de kufr majeure qui fait sortir de l'islam, et il y a une autre forme de kufr qui fait partie du kufr mineur qui ne fait pas sortir de l'islam. Et de savoir distinguer entre ces deux catégories-là, c'est la ligne qui va tracer entre le manhaj des khawarij et des takfirin et le manhaj de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et en fait, les ulama, quand ils clarifient cette question-là, ils expliquent que, premièrement, il y a ceux qui, par exemple, une personne qui va dire: moi, je crois que les lois qui sont autres que la loi d'Allah sont supérieures à la loi d'Allah. Supérieures. Donc, celui qui dit ça, il est kafir. Il est sorti de l'islam. Mukhrij min al-millah. Et ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Tous les savants de l'islam, à toutes les époques, ils sont tous d'accord sur ça. Si quelqu'un dit, il y a une parole, une loi, ou quelque chose, un verdict, un jugement, qui est au-dessus et supérieur à la loi d'Allah, ça c'est un kafir, sans aucun doute. Ensuite, il y a une autre catégorie de personnes ou un individu qui va dire, non, la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas supérieure. La loi qui est autre que la loi d'Allah, elle n'est pas supérieure à la loi d'Allah, mais elle est équivalente. C'est pareil, même niveau. Celui-là aussi, il est kafir. Les ulama, ils ont dit, celui qui dit que la loi qui est faite par les hommes, ou une loi autre que la loi d'Allah, elle est équivalente à la loi d'Allah, celui-là, il est kafir, mukhrij min al-islam. Il n'est pas musulman, il sort de l'islam s'il croit ça. Parce que tu mets la parole des hommes à égalité avec la parole du créateur de l'univers. Et ça, c'est kufr. Hein? Donc ça c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, c'est celui qui dit, hein, la parole, yani la loi d'autre que Allah, elle n'est pas supérieure et elle n'est pas équivalente, mais elle est permise. C'est-à-dire on a le droit de juger par ça ou par ça. On peut juger par la loi des hommes ou par la loi de la sharia, et les deux c'est halal, c'est correct, c'est permis. Et ça aussi c'est kufr akbar mukhrij min al-islam. Celui qui dit ça, il est sorti de la religion musulmane. Pourquoi? Parce qu'il rend halal ce qui est haram. Et il rend haram ce qui est halal. Il contredit la parole d'Allah. Allah il dit par exemple, le zina c'est haram. Et tu t'en vas voir dans les lois faites par les hommes, ils disent zina, si les deux individus sont consentants, c'est pas interdit, c'est pas un crime, c'est pas interdit. Ça, c'est une contradiction entre les deux. Si tu dis les deux sont permis, si tu dis la loi des hommes est permise dans ces choses-là, ça veut dire que tu as rendu le zina halal. Et donc, tu as contredit la parole d'Allah qui dit wala taqrabu zina et qui interdit le zina. Donc, tu rends halal ce qui est haram. Ça s'appelle al-istihlal. Le fait de rendre halal ce qui est haram, hein, ça c'est bien entendu la personne qui sait le verdict, elle connaît le verset, elle connaît le hadith dans le Coran qui interdit la chose. Puis malgré tout, elle dit non, c'est permis de le faire. Cette personne-là, c'est un kafir. Hein? Ça, c'est très important de le comprendre. Et ensuite, il y a une autre catégorie, bien entendu, c'est la personne qui suit sa passion. Elle sait que c'est haram. Elle sait que la loi d'Allah, elle est obligatoire, qu'elle est supérieure, qu'elle est meilleure, et qu'il n'y a rien d'équivalent à la parole d'Allah, et que la loi d'Allah et du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que elle juge selon sa passion, soit par amour de l'argent, soit par amour d'un bienfait quelconque dans la dunya, soit par sa passion des intérêts quelconques de la dunya, et elle juge par un verdict ou par une loi qui est contraire à la vérité dans cette question-là, tout en reconnaissant qu'elle commet un péché et que c'est haram. Qu'est-ce qu'elle fait? Cette personne-là, elle est quand même considérée comme étant musulmane, sauf que elle commet un acte qu'on appelle kufrun duna kufr, hein, ou bien on peut dire kufrun asrar, c'est-à-dire un kufr mineur, ou un kufr qui est moindre que le kufr de celui qui fait sortir de l'islam. D'accord? Et souvent, les gens qui font le takfir aujourd'hui, qui exagèrent dans le takfir, ou qui tombent dans l'extrémisme de celui des khawarij, eh bien, ils font pas la distinction entre ces deux catégories-là, et ils veulent faire sortir de l'islam tous les dirigeants en se basant sur ce verset. Et ça, c'est une choubha, bien entendu, de la part de ces gens-là. Et c'était la base même de la première choubha des premiers khawarij quand ils sont apparus. Ils disaient « Inil hukmu illa lillah ». Ça, c'était le verset qu'ils mentionnaient contre Ali radiallahu anhu. Hein? Et Ali radiallahu anhu, quand il a entendu ça, ce verset, il leur a dit « Kalimatu haqq uridu biha al-batil ». C'est-à-dire une parole vraie, mais par laquelle ils veulent dire quelque chose de faux. Hein? Puis pourquoi ils disaient la hukma illa lillah, ou inil hukma illa lillah? Ça, c'est une parole vraie, personne ne peut nier ça. Ils pensaient qu'ils avaient mieux compris ce verset-là que les sahaba, comme on le disait dans le premier cours. Ils ont pensé que ce verset-là, eux, ils le comprenaient mieux que les sahaba. Et ils pensaient que les sahaba l'avaient contredit. Et c'était bien entendu à cause de leur ignorance et de leur faiblesse dans leur compréhension et à cause de leur passion et de leur déviation. Donc ça, c'est à ce sujet-là, c'est très important de le clarifier. Après, le cheikh, il mentionne le verset 50 dans Sourate Al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Est-ce le jugement de la période de l'ignorance qu'il cherche? Et qui est meilleur qu'Allah comme juge pour un peuple qui est avec une ferme certitude? » Et il y a beaucoup d'autres versets, et il mentionne un autre verset, le verset 60 dans Sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qui a été révélé sur toi et ce qui a été révélé avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Tarout. C'est-à-dire, le Tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou toute loi qui est contraire à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils veulent prendre pour juge le Tarout, alors qu'on leur avait ordonné de ne pas y croire et de le rejeter. Mais le shaitan veut les égarer d'un égarement lointain. D'accord? Donc ça, c'est des exemples de versets qui sont mentionnés par rapport à cette question-là, qui prouvent que pour les musulmans, c'est obligatoire de se référer à la charia. Et ça, c'est pas seulement une obligation qui se limite aux dirigeants musulmans, mais c'est une obligation qui s'adresse à chaque individu musulman dans sa vie privée, dans sa vie publique, dans sa vie personnelle et dans tous les aspects de son existence. Il doit juger selon le Coran et la Sunna, dans sa aqida, dans ses ibadat, dans ses mu'amalat, dans tout ce qu'il fait dans son existence. C'est pas, il prend une partie, il se base sur les coutumes, une partie, il se base sur les traditions de son pays, une partie, il se base sur les lois de son pays, hein. Donc ça, c'est bien important de le comprendre. Et puis, bien entendu, aussi dans le contexte où, par exemple, quelqu'un, il est contraint c'est-à-dire, il est contraint de faire affaire avec les lois des koufars. Dans ce cas-là, bien entendu, ça rentre pas dans le kouf, ces catégories-là. Comme par exemple, des musulmans qui sont contraints parce qu'ils vivent dans un pays non musulman de faire affaire avec les lois des non musulmans. Dans ce cas-là, ça rentre pas dans le kouf. Ça fait pas partie des catégories de ce qui fait sortir de l'islam. Sauf si la personne, dans son cœur, elle accepte les lois des koufars et qu'elle les reconnaît et qu'elle les accepte. Si elle les accepte puis qu'elle y croit, dans ce cas-là, elle sort de la foi. Hein? Et c'est une des raisons pour laquelle les ulama de l'islam, ils ordonnent aux musulmans de faire la hijra et de quitter les pays des koufars pour aller vivre chez les musulmans, justement parce que, yani, lorsque tu vas vivre dans les pays non musulmans, et en particulier en Occident, tu vas être soumis aux lois des non musulmans, et ça c'est obligatoire. Et en particulier, on sait maintenant que de plus en plus les lois sont en contradiction avec l'islam, sur le plan de la famille, sur le plan de l'héritage, sur le plan de plein d'autres aspects, dans le commerce et dans toute autre, plein d'autres questions des choses qui régissent la société. Il y a des contradictions entre les règles de la charia et les lois de ces pays-là. Donc, à cause de ça, tu te mets sous ces lois-là, donc tu te mets à la proie de la contradiction de l'islam. Et c'est pour cette raison-là que les ulama, ça fait partie des arguments qu'ils mentionnent pour rendre la hijra obligatoire. Ensuite, le cheikh il dit, فإذن هذه المسألة من المسائل الحادثة التي يجب تنبيه الناس عليها وكل واحد ينبه عليه حتى تستقر في النفوس وأنها شيء لا إشكال فيه كما يروج له بل الواجب على العباد جميعا أن يتواصوا بالحق وأن يتواصوا بالصبر وأن يبينوا أن معنى الشهادتين راجع إلى تحقيق التوحيد توحيد العبادة وإلى الحكم بشرع الله جل وعلا وأن الأمة إذا أرادت أن تجتمع في أبدانها وأن تجتمع على أعدائها فلتبدأ بالاجتماع في دين الله جل وعلا لأنه هذا هو الأساس. Donc le cheikh dit, donc ça c'est une des grandes parmi les questions qui sont présentes actuellement, qui sont parmi les questions nouvelles qui sont apparues dans la Ummah, et il est important de faire comprendre cette question-là aux gens. Hein? Chaque personne doit essayer de faire comprendre à l'autre ce qu'il comprend de cette question-là pour que les âmes et les cœurs soient en paix et établis sur la vérité sur ces questions-là pour qu'il n'y ait plus de problème pour eux. Hein, contrairement à ce qui est propagé aujourd'hui, en particulier par rapport aux idées de laïcité et de démocratie et des idées qui sont contraires à l'islam. Puisque la laïcité, c'est en fait le fait d'opposer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et de combattre la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala et de mettre tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala à égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala en disant aux hommes: tout ce que les hommes veulent adorer, ils ont le droit de le faire. Et il n'y a pas de distinction entre le Seigneur de l'univers, le Créateur des cieux et de la terre, et les vaches que les hindous adorent, ou les autres statues que les idolâtres peuvent prendre comme objet d'adoration. Pour eux, tout ça, ça a le même droit d'être adoré. Alors que le Coran et la Sunna et l'Islam nous enseignent comme principe premier et fondamental que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur. Donc ça, c'est pour vous montrer à quel point la laïcité vient en opposition avec le shahada, yani le shahada de la ilaha illallah en premier, hein, avant même les autres règles de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a plein de musulmans à l'époque actuelle qui sont ignorants du fait que par exemple, la laïcité est en opposition avec l'islam. Il y en a certains parmi les musulmans qui, étant donné qu'ils ont une ignorance au niveau de la croyance ou de la connaissance islamique, et qu'ils ont été éduqués à l'éducation occidentale dans les pays musulmans, parfois dans certaines familles ou dans certains milieux, eh bien, ils sont arrivés à penser qu'on peut être laïque et musulman en même temps. Et vous allez même trouver ici en Occident maintenant des soi-disant prêcheurs musulmans qui sont en train de faire croire que d'être laïque et musulman ensemble, c'est possible. Hein? Et en fait, ils savent très bien que c'est pas vrai. Mais ils y arrivent en faisant une genre de ruse, c'est en fait en jouant avec les mots et les définitions. Donc ils disent laïcité, mais ils lui donnent une autre signification. Puis ils parlent de l'islam, mais ils déforment la réalité de l'islam pour que ce soit en accord avec les intérêts ou les idées des koufars. Donc il ne faut pas rentrer dans ces jeux-là, dans ces jeux de mots-là, et il faut dire les choses telles qu'elles sont pour que les choses soient claires et que les musulmans sachent qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qu'on doit accepter, qu'est-ce qu'on doit rejeter. Parce que sinon tu mets les gens dans une situation où ils risquent de renier des aspects de la religion d'Allah et de tomber dans le koufre sans même le savoir. Et ça, c'est grave et c'est dangereux. Hein? Donc, yani, on est en train de donc, c'est, cette question que le cheikh mentionne ici, c'est une question à notre époque qui est très importante. Il faut la clarifier, mais en même temps, il faut éviter, comme on a expliqué tout à l'heure, les formes d'extrémisme qui ont été faites autour de cette question-là. Donc, il faut l'enseigner aux musulmans. Et à la base, on sait qu'un musulman, c'est quelqu'un qui accepte tout ce qui vient d'Allah et tout ce qui vient du messager, sallallahu alayhi wa sallam, sans discuter quoi que ce soit. Et donc, à la base, on ne devrait pas avoir à demander à un musulman, est-ce que vous acceptez telle chose ou telle chose de l'islam? Est-ce que vous êtes en accord avec ça? Parce que des fois, les koufars, ils font ça. Ils viennent voir des musulmans, soit des journalistes ou autres. Ils demandent, vous, est-ce que vous êtes d'accord avec la lapidation? Ou vous, est-ce que vous êtes d'accord avec ci et ça? Et nous, on n'a pas à répondre à cette question-là en disant, oui, selon moi, ou non, selon moi. Ça ne se pose même pas, cette question-là. Déjà, la seule réponse qu'on devrait avoir si on nous pose cette question, c'est de dire, si c'est dans le Coran, si c'est dans la Sunna, et s'il y a une ijma des imams et des salafs à son sujet, et que tous les savants de l'islam, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, ont toujours été d'accord sur cette chose, alors moi, j'ai pas le droit de diverger avec eux. Et on va pas inventer un nouvel islam à notre époque pour faire plaisir à quiconque. Hein? On doit accepter la religion d'Allah telle qu'elle est. Que ça leur plaise ou que ça leur plaise pas. Hein? Mais eux, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est entendre des soi-disant réformistes qui viennent nous réinterpréter l'islam à notre époque, qui va dans leur sens à eux et qui leur donne une interprétation de l'islam qui les satisfait. Donc ça, c'est bien entendu quelque chose qu'on rejette complètement. Et le cheikh, il dit ensuite, puis ça, en passant, ça n'a rien à voir avec l'extrémisme. Au contraire, ça c'est ça la modération. Les extrémistes, c'est ceux qui vont tomber dans l'extrémisme dans le sens qu'ils vont dépasser la limite d'Allah, ou bien qu'ils vont tomber dans le laxisme et qu'ils vont enlever des choses de l'islam qui sont établies et claires et fondamentales. Donc nous, on est au contraire, on est en ayant cette position-là, nous représentons la modération dans l'islam. Hein? Par opposition au groupe d'extrémistes qui enlèvent ou qui rajoutent. Hein? Après, le cheikh, il dit qu'il est obligatoire pour nous de s'encourager dans la vérité et de s'encourager dans la patience et dans l'endurance et de clarifier la signification des deux témoignages, c'est-à-dire « Ashhadu an la ilaha illallah » ou « Ashhadu anna Muhammad Rasulullah » et également d'appeler à la réalisation du tawhid, c'est-à-dire de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, en particulier tawhid al-ibada, l'unicité d'Allah dans l'adoration, et le fait de juger selon la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, il dit, si la umma veut se réunir physiquement, eh bien, et si elle veut se réunir contre ses ennemis, hein, contre les ennemis de l'islam, le kuffar, peu importe leur croyance, eh bien, ils doivent commencer par se réunir sur la religion d'Allah. se réunir sur le Coran, se réunir sur la Sunna, se réunir sur le Tawhid, dans l'adoration, se le réunir dans l'Aqidah, et puis Allah subhanahu wa ta'ala par la suite va faire en sorte qu'ils vont être réunis par la suite physiquement. C'est ça la base. Mais sinon, de parler d'unité, d'unité, on dit il faut s'unir, il faut s'unir, mais on ne veut pas s'unir sur le haq, on ne veut pas accepter la aqidah, on ne pourra jamais s'unir, même si on le dit jour et nuit. Donc le cheikh dit, « Wa antum tarawna fi biladin mukhtalifa aqamu jihadan » wa kada wa kada. Subhanallah, juste, il y a une idée qui me passe, juste en ce moment. Le 24 et 25 décembre, au Canada, ils ont organisé des soufis, des Irwans, ils mélangent tout un groupe, plein de groupes mélangés. Chaque année, ils organisent un gros séminaire. Mais c'est un séminaire, c'est tellement immense, ça dépasse qu'est-ce que vous connaissez ici, vous, le Bourget. Bon, le Bourget, c'est petit par rapport à qu'est-ce qui se fait là-bas au Canada. Eh bien, un des prêcheurs là-bas, qui est un soufi, il parle aux gens dans la salle, il leur dit, regardez ici, on est tous mélangés, des diobandis, des rafidis, des soufis, des salafis, des chiens, il y a tout le monde, il dit, on est tous des groupes différents, des sectes différents, mais au moins on est tous réunis ensemble, au nom de l'islam, de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Regardez un discours comme ça par exemple, ça c'est la contradiction même. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le contraire de ce que ce gars-là dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé par unir les gens tous sur une seule croyance. La ilaha illallah, Mohammed Rasulullah, et sur le tawhid, et sur une seule et même aqida. Et après, il a passé aux autres aspects de la religion. Allah lui a révélé graduellement les autres règles. Eux, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils disent non, on veut réunir tout le monde. Peu importe la divergence, peu importe les divisions, peu importe les faussetés, les mensonges, les oppositions, tous les égarements, c'est pas grave. L'important, on est tous unis physiquement. Comme Allah dit à propos des Juifs dans le Coran, تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى. Vous les croyez unis alors que leurs cœurs sont tous divisés. Et comme c'est arrivé dans d'autres régions dans les pays musulmans, comme par exemple en Afghanistan, qu'est-ce qui s'était passé? Ils étaient tous en train de combattre contre les Russes et contre les communistes. Mais ils étaient tous des groupes différents, avec des croyances différentes et des tendances différentes, qui se détestent les unes les autres. Mais ils se sont unis, soi-disant, pour combattre un ennemi commun. Qu'est-ce qui est arrivé après, quand ils ont terminé, quand ils ont chassé les Russes? Ils ont commencé à se combattre les uns les autres et à s'entretuer. Au nom de quoi? Au nom de l'islam? C'est pour ça que les ulama ont dit qu'il faut commencer par unir les cœurs et les appeler à une aqida avant de penser à vouloir, par exemple, les unir sur autre chose ou combattre un ennemi soi-disant commun. Puisque ton ennemi le plus dangereux, c'est celui qui est dans tes rangs à toi. Et c'est celui qui est mélangé avec toi, qui te combat de l'intérieur, parmi les munafiqines, parmi les gens de bid'ah, parmi les gens qui ont toutes sortes de fausses croyances. C'est ça le vrai danger en réalité. Et c'est pour ça qu'il faut commencer par le nettoyage et la purification à l'intérieur, le nettoyage de l'aqida, le nettoyage du tawhid, que les gens commencent à s'unir sur le manhaj des salafs et la compréhension des salafs salih, et de purifier les rangs, et après ça, par la suite, on peut passer à d'autres choses, et peu importe qu'est-ce qui va arriver par la suite, on va toujours rester unis. Même s'il y a des divergences qui vont arriver, des problèmes qui vont arriver, des fitanes qui vont se produire, mais on va rester ferme. On ne va pas se diviser dans la religion. Comme à l'époque des Sahaba, il y a eu des disputes, il y a eu des combats entre eux, mais leur aqida est restée ferme. Ils sont toujours restés unis dans la foi. Ils ne se sont pas divisés dans la religion. Ils avaient des divergences sur certaines questions, mais ils ne se sont pas divisés dans la religion. Dans la aqida, dans le tawhid, dans les bases de la religion, ils étaient tous unis et ils ont toujours formé une seule jama'a. Et les groupes qui ont dévié, ils étaient toujours autres que les sahaba. Après, le cheikh il dit, donc c'est ça, si tu veux les réunir, il faut les réunir sur la religion d'Allah, et c'est ça la base. Wa antum tarawna fi biladin mukhtalifa aqamu jihadan. C'est justement ce que le cheikh il dit ici, aqamu jihadan وكذا وكذا ولكن لما لم يجتمعوا في الأصل على كتاب وسنة لم يجتمعوا على منهج واحد يقاتلون عليه يجاهدون عليه حصل لهم ما حصل والواجب أن يجتمع الناس على منهج واحد واضح واعتصام بالكتاب والسنة ثم بعد ذلك تأتي القضايا الأخرى فإنما يقوم بالجهاد من كان صفه واحدا أما إذا كانت الصفوف مختلفة فكيف يكون جهاد لا شك أنه ستحصل فرقة وسيحصل خلاف والشيطان ينزغ بين العباد. Donc le cheikh il dit, vous voyez qu'est-ce qui est arrivé justement dans différents pays. Il y a eu, comme par exemple en Afghanistan, il y a eu un jihad, hein, tel jihad soi-disant, et ils ne s'étaient pas réunis sur une base commune, sur le Coran et sur la Sunna. Tu vois, parmi eux, il y en a qui sont soufis, il y en a qui sont ikhwan, il y en a qui sont de shi'a, différents groupes qui combattent. Et justement, même il y avait celui qu'on appelle le Cheikh Jamil al-Rahman, qui était dans la région en Afghanistan qu'on appelle Kunar, et lui qui était salafi et qui enseignait la aqida des salafs, hein, subhanallah. Et quand ils ont, l'Arabie Saoudite avait envoyé des livres, Al-Usul al-Thalatha, Kitab al-Tawhid et plein d'autres livres, des milliers de livres pour enseigner les enfants là-bas en Afghanistan. Quand les autres groupes, ils les ont reçus, ces livres-là, ils n'en voulaient pas. Hein? Et le Cheikh Jamil al-Rahman, il les a pris. Et il a ouvert dans sa région 200 écoles, hein, pour les enfants, pour enseigner le Tawhid, Al-Usul al-Thalatha, le Coran et tout. Et même, il appliquait la charia dans sa région. Hein? Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les Ikhwan? Ils ont envoyé un de leurs agents pour aller l'assassiner. Hein? Donc c'est pour vous montrer, Yanni, comment qu'est-ce qui se passe, comment se passent ces choses-là. Le seul qui appelait au tawhid et qui concentrait Yanni son jihad sur la aqida, ils l'ont exécuté, ils l'ont exterminé. Tandis que les autres, subhanallah, regardez qu'est-ce qui se passe maintenant. Des kuburiyoun, des gens qui adorent les tombes et qui pensent qu'ils font le jihad contre les communistes. Qu'est-ce qui est arrivé après que les communistes sont partis? Ils ont fait encore plus de tombes qu'avant pour les adorer. Où est-ce qu'il est le djihad? Où est-ce qu'il est? Le djihad, à la base, c'est supposé d'être établi pour combattre le shirk. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna. Les ulama ont dit la fitna, c'est le shirk. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de shirk et que la religion tout entière soit pour Allah seul. Eux, au lieu de combattre pour le tawhid, ils ont combattu les Russes. Après que les communistes sont partis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit plus de tombes, plus d'idoles pour les adorer encore. Hein? Pour faire du shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala encore plus qu'avant. Donc ça, c'était pas un jihad fisabilillah, ça. Et celui qui fait un jihad pour établir le shirk, ça c'est pas un jihad fisabilillah, c'est même pas un jihad. Hein? Et donc c'est pour ça que le cheikh il dit il faut commencer par établir la base sur le Coran et sur la Sunna, hein? Parce qu'ils n'étaient pas réunis sur un seul manhaj en train de combattre entre eux ensemble, c'est-à-dire en train de combattre ensemble contre leurs ennemis, non. Et donc il est arrivé ce qui est arrivé par la suite, hein? Mais l'obligation c'est de se réunir sur un seul manhaj qui est clair et de s'accrocher au Coran et à la Sunna, puis par la suite, hein, de régler les affaires qui viennent et qui suivent par la suite. Donc le jihad, il peut juste être établi si on est un seul rang. Donc ça c'est important. Tandis que s'il y a plein de rangs différents, des tendances différentes, des groupes différents, divergents, eh bien là il n'y a pas de doute qu'il va y avoir de la division et des divergences. Et le shaitan, bien entendu, il encourage, il incite l'homme à ces choses-là, yani, à la division. Le cheikh il dit li hadhihi al-mas'ala manhajun salafiyyun wadihun bayyin wa hiya anna kull mas'alatin yud'a ilayha yajib an yurja fiha aw an yurja fiha ila al-kitab wa sunnah fi al-umur al-'amma lin-nas jami'an wa fi al-umur al-khassa fi umur ad-dawl وفي أمور الجماعات العاملة للإسلام وفي أمور الأفراد المتعاونين على الدعوة وإلا لا نكون فعلنا أو لا يكون فعلنا شيئا وتكون مجرد محاولات يعود أصحابها من حيث بدأوا والشواهد على ذلك كثيرة. لشيخ الزيساسي il y a un manhaj salafi clair à ce sujet-là. C'est que chaque question qu'on ramène, ou chaque chose qu'on amène comme prétention, il faut obligatoirement qu'elle soit ramenée au Coran et à la Sunna. Dans les affaires générales qui touchent à tout le monde en général, ou dans les choses particulières qui concernent uniquement certains individus, dans les affaires de l'État, ou dans les affaires qui ont rapport avec les groupes qui travaillent pour l'islam, ou dans les questions qui ont rapport avec les individus qui collaborent entre eux et qui coopèrent entre eux dans la da'wa. Sinon, on n'est pas en train de rien faire de sérieux. On n'est rien en train de faire de concret. Et c'est seulement des tentatives qu'on est en train de faire qui vont nous ramener uniquement au point de départ à la fin. À chaque fois qu'on va avancer, on va toujours retourner au même point de départ. Hein? Si on n'utilise pas le bon chemin pour y arriver. Et ça, il y a plein d'exemples. Le Cheikh, il dit, il y a plein d'exemples pour montrer ce point-là. Il dit, ومن هنا نصل إلى كلمة للدعاة إلى الله جل وعلا وهم الدعاة إلى الكتاب والسنة وهي الاعتصام بالكتاب والسنة ينبغي أن يكون معهم في كل حال سواء أكانوا مجتمعين أم أفرادا لأن الدعوة ميدان لمزلة الأقدام والتفرق الحاصل بين الدعاة في بلاد كثيرة موجود ذهبنا إلى أمريكا وإلى بعض البلاد في الشرق ووجدنا المسلمين في مسجد واحد لهم عدة آراء ربما يصلي خمسة كل واحد له جهة في تفكيره حتى في الأمور الحادثة. Donc le Cheikh il dit ici il est important d'adresser une parole aux gens qui travaillent dans la da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala, et ce sont les gens qui appellent au Coran et à la Sunna, c'est-à-dire yani lors de s'accrocher au Coran et à la Sunna. Il dit il faut que peu importe s'ils travaillent en groupe ou s'ils travaillent réunis tous ensemble ou bien des individus séparés, il faut yani qu'ils yani ramènent leurs questions bien entendu au Coran et à la Sunna, parce que la question le terrain de la da'wa, c'est un terrain où beaucoup de gens glissent parfois. Et il y a beaucoup de divergences qui se produisent entre les gens qui font de la da'wa dans plusieurs pays. Et ça, c'est réel. Et le Cheikh, il dit, on est allé aux États-Unis, en Amérique, et dans beaucoup d'autres pays, à l'Est et à l'Ouest, et on a trouvé que parfois dans une seule mosquée, il y a plusieurs opinions différentes dans la même mosquée. Il dit parfois tu vas trouver 5 personnes, chacun il a sa propre façon de penser dans cette mosquée-là. Allah al-Musta'an, ça tu trouves ça dans plusieurs mosquées, même le Cheikh il dit 5, et parfois même ça peut être plus que ça. Dans certaines mosquées, Allah al-Musta'an, chaque personne il a sa propre idée dans sa tête, il pense que c'est lui qui est correct, et que les autres sont dans l'égarement. Alors qu'il prie à côté d'eux. Hein? Tous là, ils prient tous un à côté de l'autre dans la mosquée, les pieds collés, hein? Et il prie tous à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, lui, il pense qu'il a raison et que l'autre à côté de lui, il est dans l'égarement. Hein? Et dans ça, c'est dans la même mosquée. Imaginez. Hein? Donc ça, c'est grave. Et donc, le Cheikh dit, il n'y a pas de doute que, il dit, voilà, chaque anna hada yusafu lahu. إذا دخلت إلى مسجد من المساجد وجدت أن الذين يصلون فيه الفجر مثلا 7 أو 8 أو 10 أو صف رأيت الخاص منهم كل واحد له رأي وهذا ناتج من الاشتباه في المنهج والاعتصام بالكتاب والسنة يوحد المنهج في الرؤية لما حولك من الأمور لأن الأمور كلها محكومة بالنصوص لكن الذي يحصل من كثير ممن يريدون الخير أنهم لا يرجعون إلى الاعتصام بالكتاب والسنة في نهج الدعوة. Donc le Cheikh il dit, il n'y a pas de doute que ça c'est quelque chose qui est triste. Lorsque tu rentres dans une mosquée, parmi les mosquées, tu rentres, tu vois que la prière de Fajr, par exemple, il y a 7 ou 8 personnes ou 10 ou une rangée Puis tu vois que certains individus, en particulier dans ces individus-là, chacun d'entre eux il a sa propre opinion, et ça vient du fait que les gens ont des choses qui sont pas claires dans leur manhaj. Il y a des choses dans leur manhaj, dans leur compréhension de l'islam, dans leur méthodologie de compréhension des textes, il y a des choses qui sont pas claires. Hein? Des fois, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des gens qui n'ont pas de manhaj du tout. C'est-à-dire, ils n'ont pas une méthode, une méthodologie qu'ils suivent, qui est une méthodologie scientifique pour comprendre les textes, pour comprendre l'islam. Chacun, il a inventé dans sa propre tête, sa propre façon de comprendre les textes de l'islam. Et c'est normal que par la suite, donc, les gens vont s'égarer. Et donc, le cheikh, il dit, l'obligation, donc, pourquoi? C'est parce que les gens, ils se sont pas accrochés au Coran et à la Sunna, yani, selon le manhaj correct. Parce que le cheikh, il dit que le fait de s'accrocher au Coran et à la Sunna, ça unit la méthodologie des gens dans la façon de voir qu'est-ce qui se passe dans ta vision des choses autour de toi. Ça unit les gens dans leur façon de voir les choses. Parce que, en réalité, chaque chose qui se produit, parmi les affaires qui arrivent, eh bien, elles sont présentes et il y a des références à leur sujet dans les textes du Coran et de la Sunna. Hein? Et donc, toutefois, qu'est-ce qui arrive, c'est que beaucoup de gens veulent le bien, mais ils ne savent pas comment faire revenir ces questions-là au texte et comment s'accrocher au Coran et à la Sunna dans la méthodologie de la da'wah et dans le chemin à suivre par rapport à la da'wah. Wa da'wah idha lam yanhaj fiha bil kitab aw lam yunhaj fiha bil kitab wa sunna fa inna al aqwal wal ara takhtalif wa hal ikhtilaf al ara wal aqwal tabi'i la إنما جاء من جهة ترك نصيب مما ذكر به العباد كما ذكرنا لكم في أول المحاضرة فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فإذا الاعتصام بالكتاب والسنة يوصي به الخاصة أو يوصى به الخاصة ويوصى به الدعاة ويوصى به الشباب الذين يدعون إلى الله جل وعلا ويوصى به المعلمون ويوصى به أهل البلاد في شرقها وغربها وشمالها وجنوبها إذا رجعنا إلى شيء واحد ائتلفنا واجتمعنا وكنا قوة على أعداء الإسلام أما إذا اختلفنا وجاء الشيطان لينزغ بيننا في أمور مختلفة فلا شك أن هذا سوف يكون تفرقا في الدين وتفرقا في الأبدان. Donc le cheikh il termine donc cette introduction par rapport à cette présentation là en disant donc que si on n'a pas suivi le Coran et la Sunna dans notre méthodologie, alors c'est normal que il y aura plein de positions, de divergences, d'opinions. Hein? Et est-ce que ça c'est normal? Le cheikh dit non, c'est pas normal. Donc il dit, ça c'est uniquement le résultat du fait d'avoir abandonné une partie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous avait mentionné dans la révélation. Hein? Et donc, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et le cheikh dit, comme on l'a mentionné au début de la conférence, le verset 14 dans Surat Al-Ma'ida, ils ont oublié une partie de ce qui leur avait été mentionné et on a suscité entre eux l'inimité et la haine jusqu'au jour de la résurrection à cause de ça. Donc, le fait de s'accrocher au Coran et à la Sunna, on doit l'ordonner à tous les individus, que ce soit les élites ou les gens particuliers ou les du'ats, les gens qui font la da'wa, ou les jeunes qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala, ou les enseignants, les professeurs, que ce soit les gens de l'Est ou de l'Ouest, du Nord ou du Sud. Yani, si on ramène toute chose à une seule chose et qu'on s'unit sur ces principes de l'islam et sur le Coran et sur la Sunna et sur la compréhension des salaf al-salih, yani, c'est sûr que à ce moment-là, les musulmans seront une force contre les ennemis de l'islam. Toutefois, si on diverge, et ici, en particulier dans ce pays-là, qu'est-ce qu'ils font, les koufars, ils interdisent ce qu'ils appellent le communautarisme. Hein? Et qu'est-ce qu'ils veulent dire par le communautarisme? Des fois, c'est un petit peu compliqué à comprendre. Et même, j'ai eu beaucoup de misère à savoir vraiment qu'est-ce qu'ils voulaient dire par le communautarisme, parce que c'est pas clair. Hein? Subhanallah. Mais bon, Allah musta'an. D'après ce que j'ai compris, peut-être que je me trompe, mais Allahu a'lam. C'est le fait de s'unir sur autre chose que les principes de la République. Pour eux, le communautarisme, c'est ça. D'après ce que j'ai compris, hein, si on résume, c'est le communautarisme, c'est que les gens vont s'unir sur autre chose que les principes de la République. Or, nous, les musulmans, c'est une obligation pour nous de s'unir sur les principes du Coran et de la Sunna, et sur la foi en Allah et en son messager, sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne de s'unir sur le communautarisme, s'il parle d'une question de nationalité ou d'origine, ça c'est quelque chose qui est rejeté en islam. Puisque nous, les musulmans, on ne s'unit pas par rapport à une race ou un peuple ou une origine ou un pays. On ne s'unit pas par rapport à une langue, on s'unit par rapport à notre iman, notre foi. Qu'on soit français d'origine ou arabe ou africain ou asiatique, peu importe, on est tous des frères en Allah subhanahu wa ta'ala. Et on s'unit sur la vérité. Hein? Et si quelqu'un il est chrétien ou juif et qu'il décide de se convertir à l'islam, il devient notre frère. Hein? Donc, alhamdoulilah, si demain Jean-Marie Le Pen ou n'importe quel autre parmi les koufars devient musulman, alhamdoulilah, il va être notre frère. Il va prier avec nous et puis il va accepter qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Ça, c'est une obligation. Hein? Donc, c'est juste pour vous dire, par exemple, j'aime pas parler de ces trucs-là, mais c'est juste pour donner un exemple que. Et aujourd'hui, on oublie des choses comme ça, que notre aqida, notre islam, elle est basée sur une aqida. Notre religion, elle est basée sur une aqida, elle n'est pas basée sur une origine. Parce qu'il y en a qui mélangent entre la religion puis l'origine. Il y en a pour certains, tous les Arabes sont des musulmans. Pourtant, il y a des Arabes chrétiens. Il y a des Arabes juifs. Il y a des Arabes athées. Il y a des Arabes communistes. Hein? Donc ça n'a rien à voir de dire que les Arabes c'est des musulmans, c'est faux. Tous les Arabes sont pas des musulmans. Hein? Donc l'islam c'est pas quelque chose qui est basé sur une origine, une nationalité. Les premiers qui ont combattu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'était des Arabes. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a eu à combattre plein de coutumes et de traditions qui étaient parmi les coutumes et les traditions des Arabes qui étaient en opposition avec l'islam. Il n'a pas accepté tout ce qui était arabe, non. Plein de choses que les Arabes faisaient, il l'a rejeté. À cause de ça, les Arabes ont détesté son message au début. C'est quand ils ont compris le tawhid qu'ils ont cru et qu'ils se sont convertis à l'islam. Donc c'est pas notre religion, alhamdoulilah, c'est pas une religion basée sur les choses raciales comme les juifs par exemple. Pour être juif, il faut que ta mère soit juive, sinon tu n'es pas juif, hein, des trucs comme ça. Non, notre religion, ça n'a pas rapport avec ça. Peu importe ton origine, tu peux être mu'min, tu peux être croyant autant qu'un autre. Même si l'autre, il est descendant de 10 générations de musulmans, toi, tu te convertis aujourd'hui à l'islam, tu es autant musulman que lui si tu appliques les principes de l'islam. Peut-être même tu peux être un meilleur musulman que lui si tu es un meilleur musulman et si tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala, si tu as plus de taqwa, tu es meilleur. Hein? Inna akramakum 'indallahi atqakum. Le plus noble pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus pieux. D'accord? Donc, ces questions-là, il ne faut pas laisser les kuffar yani faire des. Il y a des choubouhats autour de ces choses-là. Et d'après moi, ce que j'ai constaté, en fait, c'est que, étant donné qu'eux, ils ont établi leur système maintenant sur une révolution, parce que la République, c'était basé à la base, c'était un coup d'État qu'ils ont fait contre le roi, puis qu'ils ont guillotiné tout le monde, ils ne veulent pas se le faire faire, alors ils veulent empêcher tout le monde de se réunir sur autre chose que sur leurs principes à eux. Et ce n'est pas seulement contre les musulmans qu'ils interdisent le communautarisme, mais en particulier, ils concentrent beaucoup sur les musulmans. Hein, on se demande pourquoi. Mais bon, on sait que l'islam, c'est din al-haq. Et que ça les dérange à cause de ça. Donc nous, entre frères, on doit s'unir, on doit rester unis, on doit être appelé à l'unité, mais à l'unité sur la aqida, à l'unité sur le tawhid, à l'unité sur la compréhension des salaf al-salih. Et c'est ça notre devoir et notre obligation. Hein? Et il ne faut pas se laisser يعني piétiné ou influencé négativement par qu'est-ce que les kuffar essaient de faire pour nous diviser et pour nous affaiblir. Et يعني c'est sûr que parfois qu'est-ce qui se passe, c'est beaucoup les médias qui jouent sur notre morale. Et malheureusement, Allah, on est trop à l'écoute de ce qui se dit dans les médias. On écoute trop la télé. Il y en a parmi les musulmans, ils écoutent trop la télé, ils écoutent trop la radio, ils lisent trop les journaux, ils suivent trop les actualités sur Internet, et ils se concentrent pas assez peut-être sur l'étude du Coran et de la Sunna et de leur religion. Donc à cause de ça, ils sont et Allah Mustaan, il y a des frères, il y a des sœurs. Depuis qu'il y a une nouvelle qui sort dans à la télé ou quelque part, ils vont sur leur adresse email et ils envoient l'affaire à tous leurs contacts. Et des fois, c'est des choses qui vont attrister les croyants et qui vont faire de la peine aux croyants et qui vont créer du stress et de l'anxiété. Allez, pourquoi tu veux diffuser ça, hein? Donc le mieux, c'est justement de parfois de ne pas le diffuser. Déjà, on en a assez de l'entendre dehors. Il y en a que en plus, quand on reçoit des messages de nos frères et de nos sœurs, on reçoit des messages de ce genre. Et des fois même c'est des fausses informations. Malheureusement, il y en a qui les diffusent quand même. Donc le cheikh, il dit, donc si on revient, hein, فأما إذا اختلفنا وجاء الشيطان لينزغ بيننا في أمور مختلفة فلا شك أن هذا سوف يكون تفرقا. Donc si on est tous divergents et que le shaitan vient créer des problèmes entre nous dans différentes choses, alors c'est sûr qu'il n'y a pas de doute qu'à ce moment-là, on va tous être divisés dans la religion, et en plus, on va être divisés physiquement. Hein? Et donc, je disais ça même à des frères, je disais, imaginez demain, là, tous les musulmans en France, ils décident d'aller prier le Fajr à la mosquée. Il n'y aura même pas assez de mosquées, premièrement, pour aller prier. Ils seront obligés de prier dans la rue, c'est sûr. Hein? Mais comment on va faire comprendre aux musulmans que leur obligation, c'est d'établir les cinq prières par jour, hein? Si on n'est même pas capable de les atteindre. Maintenant, ici, nous, on est quelques frères, on est assis ensemble pour se rappeler des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et yani, des paroles des ulama de l'islam pour clarifier l'islam. D'accord? Et alhamdoulilah, parmi nous, alhamdoulilah, il y a des frères qui ont réalisé l'importance de l'islam et qui se sont mis à commencer à pratiquer l'islam et à non seulement ça, mais à vouloir comprendre l'islam dans sa réalité et donc à essayer de ramener les choses au tawhid et à comprendre la aqida et comprendre la réalité de ce manhaj. Donc ça, c'est, hein, on devient des étrangers dans les étrangers parmi les étrangers. Hein? Donc ça veut dire, imaginez les autres qui font même pas la salat, qui savent même, qui ont jamais mis un pied dans une mosquée de leur vie, alors qu'ils sont musulmans, nés dans une famille musulmane. Alors qu'est-ce qu'on va dire de cela? Comment on va, hein? Il faut aussi leur faire connaître les principes de l'islam à eux aussi. Il faut faire la da'wah. Il faut les inviter à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ont été pris dans les idéologies des ikhwan, des frères musulmans, de la secte des frères musulmans, aussi il faut les appeler au tawhid, il faut les appeler à la sunna, il faut les appeler à comprendre la réalité de cet islam et leur faire comprendre que Hassan al-Banna, hein, c'est pas l'imam des musulmans et que c'est pas lui notre modèle et c'est pas lui notre référence. Notre référence, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que si Hassan al-Banna a contredit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut rejeter qu'est-ce que Hassan al-Banna a dit et suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la même chose pour Jamaat Tabligh, il faut leur dire, si Mohamed Elias al-Kandahlawi a contredit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut laisser qu'est-ce que Mohamed Elias a dit et suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la même chose pour toutes les jama'ats. Et il faut leur appeler, il faut aller voir ces frères-là, ces sœurs-là, et leur parler, et les ramener à la salafie, les ramener à la voie de nos pieux prédécesseurs, pour qu'ils puissent comprendre l'islam dans sa réalité et dans sa signification réelle, pour éliminer cette division qui existe entre nous, et pour qu'on puisse s'unir réellement sur les bases de l'islam et sur l'exemple de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y en a les autres qui sont pas pris par ces problèmes-là, mais qui sont pris par la dunya ou par les shahawat ou par les péchés, et bien aussi les inciter à revenir à la mosquée, à abandonner leurs péchés, à se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite, hein? Et donc chacun selon ce qu'il a besoin. Et les chrétiens, les appeler à l'islam, et les juifs, les appeler à l'islam, et les athées, les appeler à l'islam, les laïcs, les appeler à l'islam, tous les autres aussi, hein. Même les gens qui ont les idées du parti, je sais pas comment ça s'appelle, parti national, ou je sais pas quoi, les racistes, yani. Ouais, les appeler à l'islam aussi. On a appelé tout le monde à l'islam en leur expliquant les preuves de l'islam et leur clarifiant le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut pas yani négliger personne. Chacun d'entre nous, on a des membres de notre famille, on a des proches, on a des amis, on a des connaissances, des amis dans le quartier. Leur parler de cette religion, de les appeler à l'islam. Hein? Des fois, il y a des choses, des fois on néglige. On passe tous les jours devant des gens, on va à la mosquée pour prier, on voit des gens autour de nous, dans notre quartier, qui négligent des obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'on sait qu'ils sont musulmans. Puis parfois, à force de les voir toujours, il y en a négligé ces choses-là, on oublie qu'on doit leur rappeler à eux aussi ces choses-là. Prendre des fois du temps, yani, pour aller leur parler un peu, les inviter au bien, leur donner un peu d'attention aussi pour essayer de les faire comprendre. Parce que parmi ces gens-là, des fois, il y en a qui savent où est-ce qu'il est le bien. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas eu le courage parfois de... Ou bien là, ils n'ont pas eu la force ou l'encouragement pour les inciter à faire un premier pas vers le bien. Et des fois, s'ils font un pas vers le bien, vous savez que Allah va les aider par la suite. Donc, vous pouvez être la cause dans la guidance de ces gens-là. Et celui qui est la cause dans la guidance de quelqu'un, vous savez la récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, hein, que, yani, man, yani, c'est quoi le hadith? Hein? Non, c'est ça? Yani, j'ai oublié le début, alors, c'est la fatigue, hein, peut-être. Hein? Fawallah. Fawalladhi nafsi biyadi. C'est pas ça, ça commence pas comme ça. Ça dit, لو رجلا واحدا يسك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. C'est quoi le début? لا يهدي الله نعم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Et non. C'est ça le hadith. Et ça, c'est le prophète Sofou qui a dit ça à Ali, radiallahu anhu. Il a dit, si Allah subhanahu wa ta'ala, il fait que par ta cause, hein, il y a un homme, un seul homme qui est guidé, c'est meilleur pour toi que les chameaux rouges. Et, dans une autre narration, hein, khayrun laka mimma tala'a alayhi shams. Hein? C'est meilleur que ce sur quoi le soleil s'est levé. C'est meilleur que toute la terre entière. Donc, ça veut dire que il faut prendre ça en considération et essayer de faire le bien. Et ici, à Shalom, mashallah, ce n'est pas pour vanter les frères, mais je sens, Allahu alam, mais je sens qu'il y a beaucoup de baraka ici. Il y a un groupe de frères ici, ils font beaucoup d'efforts, ils font beaucoup de bien, que Allah subhanahu wa ta'ala les récompense, et que Allah les récompense justement pour avoir organisé cette rencontre aujourd'hui. Et à chaque fois qu'on vient à Shalom, il y a toujours du bien, donc on espère que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ça continue. Il y a plein de frères de Shalom qui sont partis étudier l'islam maintenant, soit que c'est à Riyad, ou soit que c'était dans d'autres pays musulmans, étudier avec les ulama. Ça, c'est quelque chose qui doit être fait, pas seulement pour les frères de Shalom, partout, dans chaque ville, il faut qu'il y ait des frères qui s'encouragent à aller étudier l'islam, pour revenir enseigner à leurs frères par la suite l'islam, le Coran et la Sunna, et les éduquer dans la religion. Et quand ils reviennent, il faut leur laisser la possibilité d'enseigner ce qu'ils ont appris. Bien entendu, lorsqu'on est certain de leur position, que ce sont des gens qui sont avec un manhaj propre, une aqida propre, qu'ils reviennent et qu'ils enseignent les gens, il faut les encourager, il faut les aider, hein. Et inshallah, vous allez voir qu'avec le temps, l'ignorance va se dissiper, les gens de Bid'a vont rapetisser, vont fondre comme du sel dans l'eau, et la sunna va devenir de plus en plus en force et en puissance, et vous allez voir, inshallah, l'unité s'installer chez les musulmans, l'harmonie, inshallah, et bi'idhnillah, beaucoup de bien dans l'avenir. Et yani, Cheikh Ibn Baz disait tout le temps, هذا يبشر بخير, hein, rahimahullah. Chaque fois qu'on lui parlait, il mentionnait des choses, il disait, ça annonce du bien. Ça annonce une bonne chose, du bien qui va arriver dans l'avenir. Il était toujours optimiste. Et d'être pessimiste dans la religion d'Allah, c'est haram. D'avoir des mauvaises pensées à propos d'Allah, c'est parmi les kaba'ir. Et ça fait partie de qu'est-ce qui affecte le tawhid. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans le kitab al-tawhid, il y a un chapitre là-dessus. De ne pas penser du mal à propos d'Allah. De ne pas penser que Allah va pas donner victoire à sa religion, hein? De ne pas penser que Allah va pas secourir ses serviteurs lorsqu'il défend la vérité, hein? Et qu'il ne va pas faire périr ses ennemis. Donc ça fait partie des promesses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut vraiment être convaincu de ça, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les problèmes. Donc le cheikh, il avait donné trois exemples, trois questions par la suite. Sur la première, c'était au sujet des priorités dans la da'wa. La deuxième, c'était au sujet des masalih par rapport à la da'wa. C'est des intérêts et les priorités par rapport à la da'wa, comment on doit juger dans ces choses-là. Puis, la troisième question qu'il a mentionnée, c'était comment se cramponner au Coran et à la Sunna dans la façon d'agir avec les gens. Et bien entendu, ça, on n'a pas le temps de terminer ou de parler de ces questions-là parce que ce serait trop long. Et déjà, il est tard. Mais, Inch'Allah, si jamais à Montréal, j'ai l'occasion de faire quelques cours sur Paltalk, Inch'Allah, je vais essayer de faire la suite. Comme ça, Inch'Allah, même si on n'a pas pu le faire ici, mais les trois premiers cours seront sur le site, puis on mettra un ou deux autres cours pour compléter la conférence en question, inshallah. Et donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser le Cheikh Saleh al-Sheikh pour cette conférence qu'il a donnée, qui est très très bénéfique. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner l'ikhlas et la sincérité donc dans nos paroles et nos actions et nos intentions, pour qu'il mette tout ce qu'on a fait aujourd'hui dans la balance de nos bonnes œuvres au jour de la résurrection, et qu'il récompense les frères qui ont travaillé à mettre sur pied donc cette rencontre, qui est bien entendu courte, mais quand même on espère que Allah mettra dedans la bénédiction, puis que inshallah ce sera pour nous un bon rappel, hein. Puis on remercie le frère Abdul Karim qui alhamdoulillah qui a étudié au Yémen, qui est venu aujourd'hui participer aussi, et qui, mashallah, donc, on espère, va faire partie des frères qui vont aider à faire avancer cette da'wa salafia dans ce pays et ailleurs, inshallah. Et donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, nous donne le tawfiq et qu'il accepte. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.